Chapitre 17. Terre. Pendant 4 jours, après avoir renoncé à la recherche des îles de glace, nous courûmes au sud sans trouver de glace. Le 26, à midi, nous étions par 63°23' de latitude sud et 41°25' de longitude ouest. Nous vîmes alors quelques grosses îles de glace et une banquise qui n'était pas, à vrai dire, d'une étendue considérable. Les vents se tenaient généralement au sud-est, mais très faibles. Quand nous avions le vent d'ouest, ce qui était fort rare, il était invariablement accompagné de rafales de pluie. Chaque jour, plus ou moins de neige. Le thermomètre, le 27, était à 35 degrés. 1er janvier 1828. Ce jour-là, nous fûmes complètement environnés de glace, et notre perspective était en vérité fort triste. Une forte tempête souffla du nord-est pendant toute la matinée et chassa contre le gouvernail et l'arrière du navire de gros glaçons, avec une telle vigueur que nous tremblâmes pour les conséquences. Vers le soir, la tempête soufflait encore avec furie. Mais une vaste banquise en face de nous s'ouvrit, et nous pûmes enfin, en faisant force de voile, nous frayer un passage à travers les glaçons plus petits jusqu'à la mer libre. Comme nous en approchions, nous diminuâmes la toile graduellement, et à la fin, nous étant tirés d'affaire, nous mîmes à la cape sous la misaine avec un seul ris. 2 janvier. Le temps fut assez passable. À midi, nous nous trouvions par 69°10' de latitude sud et 42°20' de longitude ouest, et nous avions passé le cercle antarctique. Du côté du sud, nous n'apercevions que très peu de glace, bien que nous eussions derrière nous de vastes banquises. Nous fabriquâmes une espèce de sonde, avec un grand pot de fer, d'une contenance de 20 gallons, et une ligne de 200 brasses. Nous trouvâmes le courant portant au sud avec une vitesse d'un quart de mille à l'heure. La température de l'air était environ à 33, la déviation de l'aiguille de 14°28' vers l'est, par azimut. 5 janvier. Nous nous sommes toujours avancés vers le sud sans trouver beaucoup d'obstacles. Ce matin, cependant, étant par 73°15' de latitude sud et 42°10' de longitude ouest, nous fîmes une nouvelle halte devant une immense étendue de glace. Néanmoins, nous apercevions au-delà, vers le sud, la pleine mer, et nous étions persuadés que nous réussirions finalement à l'atteindre. Portant sur l'est et filant le long de la banquise, nous arrivâmes enfin à un passage large d'un mille à peu près, à travers lequel nous fîmes, tant bien que mal, notre route au coucher du soleil. La mer dans laquelle nous nous trouvâmes alors était chargée d'îlots de glace, mais non plus de vastes bancs, et nous allâmes hardiment de l'avant comme précédemment. Le froid ne semblait pas augmenter, bien que nous eussions fréquemment de la neige et de temps à autre des rafales de grêle d'une violence extrême. D'immenses troupes d'albatros ont passé ce jour-là au-dessus de la goélette, filant du sud-est au nord-ouest. 7 janvier. La mer, toujours à peu près libre et ouverte, en sorte que nous pûmes continuer notre route sans empêchement. Nous vîmes à l'ouest quelques banquises d'une grosseur inconcevable, et dans l'après-midi, nous passâmes très près d'une de ces masses, dont le sommet ne s'élevait certainement pas de moins de 400 brasses au-dessus de l'océan. Elle avait probablement à sa base 3/4 de lieue de circuit, et par quelques crevasses sur ses flancs couraient des filets d'eau. Nous gardâmes cette espèce d'île en vue pendant 2 jours et nous ne la perdîmes que dans un brouillard. 10 janvier. d'assez grand matin, nous eûmes le malheur de perdre un homme qui tomba à la mer. C'était un Américain nommé Peter Swedenborg, natif de New York, et l'un des meilleurs matelots que posséda la goélette. En passant sur l'avant, le pied lui glissa et il tomba entre deux quartiers de glace pour ne jamais se relever. Ce jour-là, à midi, nous étions par 78°30 de latitude et 40°15 de longitude ouest. Le froid était maintenant excessif et nous attrapions continuellement des rafales de grêle du nord-est. Nous vîmes encore dans cette direction quelques banquises énormes et tout l'horizon à l'est semblait fermé par une région de glace élevant et superposant ses masses en amphithéâtre. Le soir, nous aperçûmes quelques blocs de bois flottant à la dérive, et au-dessus planait une immense quantité d'oiseaux, parmi lesquels se trouvaient des nélis, des pétrels, des albatros et un gros oiseau bleu du plus brillant plumage. La variation par azimut était alors un peu moins considérable que précédemment, lorsque nous avions traversé le cercle antarctique. 12 janvier. Notre passage vers le sud-est redevenu une chose fort douteuse, car nous ne pouvions rien voir dans la direction du pôle qu'une banquise en apparence sans limite, adossée contre de véritables montagnes de glace dentelée, qui formaient des précipices sourcilleux, échelonnés les uns sur les autres. Nous avons porté à l'ouest jusqu'au 14 dans l'espérance de découvrir un passage. 14 janvier. Le matin du 14, nous atteignîmes l'extrémité ouest de la banquise énorme qui nous barrait le passage. Et, l'ayant doublée, nous débouchâmes dans une mer libre où il n'y avait plus un morceau de glace. En sondant avec une ligne de 200 brasses, nous trouvâmes un courant portant au sud avec une vitesse d'un demi-mille par heure. La température de l'air était à 47, celle de l'eau à 34. Nous cinglâmes vers le sud sans rencontrer aucun obstacle grave, jusqu'au 16. À midi, nous étions par 81°21 de latitude et 42° de longitude ouest. Nous jetâmes de nouveau la sonde et nous trouvâmes un courant portant toujours au sud avec une vitesse de 3/4 de mille par heure. La variation par azimut avait diminué et la température était douce et agréable, le thermomètre marquant déjà 51. À cette époque, on n'apercevait plus un morceau de glace. Personne à bord ne doutait plus de la possibilité d'atteindre le pôle. 17 janvier. Cette journée a été pleine d'incidents. D'innombrables bandes d'oiseaux passaient au-dessus de nous, se dirigeant vers le sud, et nous leur tirâmes quelques coups de fusil. L'un d'eux, une espèce de pélican, nous fournit une nourriture excellente. Vers le milieu du jour, l'homme de vigie découvrit par notre bossoir de bâbord un petit banc de glace et une espèce d'animal fort gros qui semblait reposer dessus. Comme le temps était beau et presque calme, le capitaine Guy donna l'ordre d'amener deux embarcations et d'aller voir ce que ce pouvait être. Dirk Peters et moi nous accompagnâmes le second dans le plus grand des deux canots. En arrivant au banc de glace, nous vîmes qu'il était occupé par un ours gigantesque de l'espèce arctique, mais d'une dimension qui dépassait de beaucoup celle du plus gros des animaux. Comme nous étions bien armés, nous n'hésitâmes pas à l'attaquer tout d'abord. Plusieurs coups de feu furent tirés rapidement, dont la plupart atteignirent évidemment l'animal, à la tête et au corps. Toutefois, le monstre, sans s'en inquiéter autrement, se précipita de son bloc de glace et se mit à nager, les mâchoires ouvertes, vers l'embarcation où nous étions, moi et Peters. à cause de la confusion qui s'ensuivit parmi nous et de la tournure inattendue de l'aventure, personne n'avait pu apprêter immédiatement son second coup, et l'ours avait positivement réussi à poser la moitié de sa masse énorme en travers de notre plat-bord, et à saisir un de nos hommes par les reins, avant qu'on eût pris les mesures suffisantes pour le repousser. Dans cette extrémité, nous ne fûmes sauvés que par l'agilité et la promptitude de Peters. Sautant sur le dos de l'énorme bête, il lui enfonça derrière le cou la lame d'un couteau et atteignit du premier coup la moelle épinière. L'animal retomba dans la mer sans faire le moindre effort, inanimé, mais entraînant Peters dans sa chute et roulant sur lui. Celui-ci se releva bientôt, on lui jeta une corde et, avant de remonter dans le canot, il attacha le corps de l'animal vaincu. Nous retournâmes en triomphe à la goélette, en remorquant notre trophée à la traîne. Cet ours, quand on le mesura, se trouva avoir 15 bons pieds dans sa plus grande longueur. Son poil était d'une blancheur parfaite, très rude et frisant très serré. Les yeux étaient d'un rouge de sang, plus gros que ceux de l'ours arctique. Le museau plus arrondi et ressemblant presque au museau d'un bouledogue. La chair en était tendre, mais excessivement rance et sentant le poisson. Cependant, les hommes s'en régalèrent avec avidité et la déclarèrent une nourriture excellente. À peine avions-nous hissé notre proie le long du bord, que l'homme de vigie fit entendre le cri joyeux de « Terre par le bossoir de tribord !» Tout le monde se tint alors sur le qui-vive, et, une brise s'étant très heureusement levée au nord-est, nous fûmes bientôt sur la côte. C'était un îlot bas et rocheux, d'une lieue environ de circonférence, et complètement privé de végétation, à l'exception d'une espèce de raquette épineuse. En approchant par le nord, nous vîmes un singulier rocher, faisant promontoire, qui imitait remarquablement la forme d'une balle de coton cordée. En doublant cette pointe vers l'ouest, nous trouvâmes une petite baie au fond de laquelle nos embarcations purent atterrir commodément. Il ne nous fallut pas beaucoup de temps pour explorer toutes les parties de l'île, mais, à une seule exception près, nous n'y trouvâmes rien qui fût digne d'observation. À l'extrémité sud, nous ramassâmes tout près du rivage, à moitié enterrée sous un monceau de pierres éparses, une pièce de bois qui semblait avoir servi de proue à une embarcation. Il y avait eu évidemment quelque intention de sculpture, et le capitaine Guy crut y découvrir une figure de tortue. Mais je dois avouer que pour mon compte, la ressemblance ne me frappa que très médiocrement. Sauf cette proue, si toutefois c'en était une, nous ne découvrîmes aucun indice qui prouva qu'une créature vivante eût jamais habité ce lieu. Autour de la côte, nous trouvâmes par-ci par-là quelques petits blocs de glace, mais en très petit nombre. La situation exacte de l'îlot, auquel le capitaine Guy donna le nom d'îlot de Bennett en l'honneur de son associé dans la propriété de la goélette, est par 82,50 de latitude sud et 42,20 de longitude ouest. Nous avions alors pénétré dans le sud de plus de 8 degrés au-delà des limites atteintes par tous les navigateurs précédents. Et la mer s'étendait toujours devant nous parfaitement libre d'obstacles. Nous trouvions aussi que la variation diminuait régulièrement à mesure que nous avancions, et que la température atmosphérique, et plus récemment celle de l'eau, s'adoucissait graduellement. Le temps pouvait s'appeler un temps agréable, et nous avions une brise très douce mais constante, qui soufflait toujours de quelques points nord du compas. Le ciel était généralement clair, De temps en temps, une vapeur légère et ténue apparaissait à l'horizon sud, mais invariablement, elle était d'une très courte durée. Nous n'apercevions que deux difficultés. Nous étions à court de combustible. Et des symptômes de scorbut s'étaient déjà manifestés chez quelques hommes de l'équipage. Ces considérations commençaient à agir sur l'esprit de M. Guy, et il parlait souvent de mettre le cap au nord. Pour ma part, persuadé, comme je l'étais, que nous allions bientôt rencontrer une terre de quelque valeur, en suivant toujours la même route, et que nous n'y trouverions pas le sol stérile des hautes latitudes arctiques, j'insistais chaudement auprès de lui sur la nécessité de persévérer, au moins pendant quelques jours encore, dans la direction suivie jusqu'alors. Une occasion aussi tentante de résoudre le grand problème relatif à un continent antarctique ne s'était pas encore présentée à aucun homme. Et je confesse que je me sentais gonflée d'indignation à chacune des timides et inopportunes suggestions de notre commandant. Je crois positivement que tout ce que je ne pus m'empêcher de lui dire à ce sujet eut pour effet de le raffermir dans l'idée de pousser de l'avant. Aussi, bien que je sois obligée de déplorer les tristes et sanglants événements qui furent le résultat immédiat de mon conseil, je crois que j'ai droit de me féliciter un peu d'avoir été, jusqu'à un certain point, l'instrument d'une découverte et d'avoir servi, en quelque façon, à ouvrir aux yeux de la science un des plus enthousiasmants secrets qui ait jamais accaparé son attention.